Je sais tout. J'ai lu l'essentiel. J'ai étudié le fil de la connaissance. Je me débats contre l'austérité de mes réflexions idéologiques, égarées dans le dédale de mes ambitions sensorielles. Je cherche une formule existentielle, une mixture arithmétique pour élever mon cœur à la hauteur de mon apprentissage. Sèche comme une terre aride, consumée par l'étendue de ma culture, ma peau déambule à la merci d'une lueur complaisante et chaleureuse. L'âme éteinte, je me laisse emmener nonchalamment par le flottement d'une vague, balançant l'opulence de mon être endormi à l'abandon. Je gis, nu, les yeux clos, dans l'attente d'une caresse passagère, d'un paisible frisson.